Naam. Nous sommes toujours avec la base de la Aqida, l'Wasitiya. D'Allah Azza wa Jal, pour commencer, Inch'Allah Ta'ala, pour commencer la vision d'Allah Azza wa Jal. Pour commencer la vision d'Allah Azza wa Jal. Tayyib, j'avertis seulement que yani ceux qui inshallah ta'ala lèvent la main que les questions sont seulement sur la aqida aujourd'hui ou bien sur le dars ou bien sur la aqida en général. Inshallah ta'ala vendredi ce sera 2 ou 3 heures de questions libres inshallah subhanahu wa azawajal. Tayyib, on va revenir à la parole d'Allah azawajal, pour dire que il faudrait que vous sachiez, car on termine aujourd'hui la parole d'Allah Azza wa Jal, donc il faudrait que vous sachiez que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut. Naam, un attribut. Si vous voulez savoir un attribut, est-ce un attribut de l'acte ou un attribut de l'essence? Naam, on a dit une fois, c'est un attribut de l'acte et de l'essence. Pourquoi de l'essence? Car c'est un attribut qui ne se sépare jamais d'Allah Azza wa Jal. Et on a vu, vous savez que tout attribut qui ne se sépare pas d'Allah Azza wa Jal s'appelle un attribut de l'essence. Est-ce que Allah Ta'ala est resté, si je puis dire, une seconde, une fois, sans parler, c'est-à-dire sans qu'il parle, s'il veuille, il est resté muet? C'est impossible. En ce sens, c'est un attribut de l'essence. Naam. Et puisque Allah Ta'ala parle quand il veut et ne parle pas quand il ne veut pas aussi, et puisque le fait de parler dépend de sa volonté, il parle quand il veut, il ne parle pas quand il veut ou quand il ne veut pas. Donc, en ce sens, la parole d'Allah est un acte de quoi? Est un attribut de l'acte, en ce sens. Donc, la parole d'Allah a cette particularité d'être en même temps un attribut de l'essence et en même temps un attribut de l'acte. Donc, puisque c'est un attribut de l'essence aussi, c'est que la parole d'Allah Ta'ala est ancienne en ce qui concerne la sorte, hein, et nouvelle en ce qui concerne on dit en arabe, en ce qui concerne l'ahad. C'est-à-dire que la parole d'Allah Ta'ala est ancienne, parce que comme je viens de dire maintenant, il ne s'est pas passé un moment où Allah ne parlait pas, ensuite il a parlé. Non, c'est ancien. Allah Ta'ala a toujours été, et sa parole était toujours avec lui. En ce sens, elle est ancienne. Et elle est nouvelle en ce qui concerne, en ce sens qu'elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Naam. Chaque fois qu'il parle, c'est il va parler quelque chose de nouveau. Naam, il va dire quelque chose qu'on ne connaissait pas. À partir du moment où il va dire cette chose qui est nouvelle, on dit sa parole est nouvelle, en ce sens. Donc la parole d'Allah est ancienne et nouvelle. Ancienne, en ce sens que, depuis qu'Allah Ta'ala est, et qu'il a été, sa parole était toujours avec lui, existait, donc elle est ancienne. Et nouvelle, en ce sens que, à chaque fois qu'il dit une chose, ce qu'il a dit à Adam, ce qu'il dit à Isa, ce qu'il dit à Ibrahim, tout ça, c'est des choses nouvelles, ces révélations. Toutes ces choses, c'est une parole nouvelle, bi-idnillahi azza wa jal. Ensuite, autre chose, naam. Autre chose, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya Isa ibn Maryam, uzkur. Isa, Jésus, fils de Marie, rappelle-toi. Lorsqu'il a dit Allah ta'ala ça, naam. Ça n'a pas été dit, yani, avant que Isa ne soit créé. Mais cette parole, cette phrase a été dite à Isa quand il a été créé. Quand il a été créé et quand il a été messager. Il lui a dit, oh, rappelle-toi, fils de Jésus, fils de Marie. Naam. C'est pour ça que Al-Sunnah al-Jama'a disent que la parole d'Allah, c'est quoi? C'est des lettres et c'est une voix, des lettres et voix. Ça va venir aussi, Inch'Allah Ta'ala. Autre chose, alors que les Mubtadi'a, les innovateurs, disent que la parole d'Allah Ta'ala est seulement ancienne. La parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala est seulement ancienne. Allah Ta'ala a parlé une seule fois. Non, a parlé une seule fois et ça ne se renouvelle pas. Il n'y a pas de renouvellement. Il a parlé une fois, il a tout dit ce qu'il fallait dire. Non, à tous les messagers, à Jibril, aux anges. Non, il a parlé une seule fois, il a dit tout ce qu'il fallait se dire. Ça, ce sont les innovateurs qui disent comme ça. Non, et cela, bien sûr, est faux. Il faut. Non. Donc, pour ce qui concerne les innovateurs, vous devez savoir que, non, contrairement à Al-Sunna, les innovateurs, on va citer quelques innovateurs en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il y a les Mu'tazili et les Jahmites. Non. Qui ont dit quoi? Qui ont dit que la parole d'Allah ta'ala est créée, ou bien a été créée. Et Al-Sunna ou Jama'a, les gens du consensus et de la Sunna, disent que la parole d'Allah n'a pas été créée. Mieux encore, ils disent, si quelqu'un dit la parole d'Allah a été créée, il devient kafir. Sauf bien sûr si c'est un ignorant, etc. On lui apprend la chose pour qu'il n'ait pas d'excuse après. Non. Pourquoi? Si tu dis que la parole d'Allah Ta'ala a été créée, ça veut dire une chose d'Allah a été créée. C'est comme si tu disais sa main a été créée, ses yeux ont été créés, non? Les pieds d'Allah ont été créés. Et ça c'est grave. Non? Ça c'est très grave. Donc, les Mu'tazilites et les Jahmites d'abord, sont eux les premiers à dire cette grande innovation, ont dit la parole d'Allah a été créée. Et les Jahmites, bien sûr, ont pris cette chose de Jahm ibn Safwan, leur grand chef, leur grand innovateur, qui lui-même a pris cette parole de Al-Ja'd ibn Dirham. Naam, un autre qui s'appelle Ja'd ibn Dirham, qui lui-même a pris ça des Juifs. Les Juifs, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été créée. Les sunnas disent, ma'ad Allah, rien d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a été créé. Ensuite, il y a qui? Il y a d'autres innovateurs. Donc, pourquoi on dit comme ça? Pour que vous sachiez que on ne doit pas ressembler aux qui? Aux innovateurs. Les innovateurs, qu'est-ce qu'ils disent? En ce qui concerne la parole d'Allah, ils disent qu'elle a été créée. Les sunnas ou jama'a disent qu'elle n'a pas été créée. La parole d'Allah n'a pas été créée. Et j'ai donné, bien sûr, les dalils dans le dars, le cours passé. J'ai donné le dalil que la parole d'Allah n'a pas été créée. Non. En ce qui concerne, il y a deux ou trois attributs, non, comme la parole d'Allah, où les savants, les ulama ont dit, si quelqu'un yani dit le contraire de Sunna ou Jama'a, il devient kafir. Il y a d'autres attributs, par exemple, tu dis que Allah Ta'ala, par exemple, n'a pas de main, et tu as plus ou moins des excuses, tu as suivi X ou Y les savants, et ulama ont dit, sans rien, on ne dit pas de lui, il est kafir. Et on dit, mais si, dans la parole d'Allah, il dit pas comme disent Al-Sunnah, qu'elle n'a pas été créée, ils disent dans ce cas, il devient kafir. Non, car il y a certains attributs où les savants ne pardonnent pas la faute. Non. Entre autres, ils disent quoi? Ils disent la parole d'Allah. Mais bien sûr, nous on dit, ça c'était autrefois, alors que de nos jours, non, beaucoup de nous et des musulmans ne savent pas des choses pareilles. Si on va virer sans kafir, ce sera grave. C'est pour ça que je préfère dire que de nos jours, puisqu'il y a beaucoup d'ignorance, il vaut mieux apprendre aux gens d'abord le dîn pour qu'ils ne soient pas excusés. Non, sinon, on va poser la question à nos mères, à nos pères, à nos voisins, à nos oncles, et il ne va même pas savoir si elle a été créée ou pas. Non. C'est pour ça qu'on doit d'abord leur apprendre, Inch'Allah. Non. Ensuite, autre chose. Donc, on a dit les innovateurs, c'est qui? C'est les Mu'tazila, les Mu'tazilites et les Jahmites qui ont dit quoi? Ils ont dit la parole d'Allah a été créée. Il y a d'autres innovateurs. Al-Karramiyya. une secte qui s'appelle Al-Karamiya. Pourquoi ils s'appellent Karamiya? Ils ont suivi quelqu'un qui s'appelle Abu Abdillah Muhammad ibn Karam. Abu Abdillah sa kunya et son nom c'est Muhammad ibn Karam. Hein? On dit Karamiya, ils suivent Muhammad ibn Karam. On dit Karamiya, non? Ils ont fait une innovation dans, ils ont fait une innovation dans la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, mais, c'est-à-dire a parlé, si je puis dire, avant qu'il ne parlait. Karamiya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Allah ta'ala ne parlait pas, et ensuite, il est arrivé, disons, un temps ou bien une étape où il a parlé. Subhanallah al-Azim. Allah ta'ala ne parlait pas. Subhanallah al-Azim. C'est comme s'il était mûr l'étape où il a parlé. Bien sûr, ça, c'est une grande innovation, bien sûr. Ensuite, il y a, toujours dans les innovateurs, Sha'ira. Sha'ira. Naam, qui disent que, on suit qui? On suit Abu al-Hassan al-Ash'ari. Naam, ils disent comme ça. Alors que c'est pas vrai. Et le Kullabiya. Le Kullabiya, c'est une secte qui a suivi quelqu'un qui s'appelle Saïd ibn Kullab. Saïd ibn Kullab. Et en fait, l'Ash'aira, qui est très connu, cette secte qui, de nos jours, qui trouve beaucoup au Maroc, elle est traite par des musulmans, sans le vouloir, sont des Ash'aira. Naam. Cette secte, l'Ash'aira, a pris son din en fait de qui? Des Kullabiya. Car Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui était d'abord Mu'tazili, ensuite, il s'est désisté, il s'est désavoué de l'Irtizal et le Mu'tazila, et il a suivi qui? Il a suivi le Kullabiya. Naam, whisper, ma fiche mouchkine. Taïb. Je disais que. Naam, donc l'Ash'aira et le Kullabiya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit en ce qui concerne la parole d'Allah? C'est quoi leur bid'a? Ils ont dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est une parole qui n'est pas extériorisée. C'est une parole qui se trouve dans le fort intérieur d'Allah Ta'ala. C'est une parole donc qui ne s'entend pas. Donc c'est une parole qui ne comprend pas de lettres et de sons. N'a pas de son, n'a pas de lettres. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de Allah Azza wa Jal. On dit en arabe, kalam, c'est une kalam nafsi, qui se trouve à l'intérieur de la nafs de Allah Ta'ala. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas s'entendre. Et comme ça disent l'Ash'aïla et le Kullabiya. Ils disent, et à point, Allah Ta'ala donne cette parole à Jibril. La lui donne et fait de sorte qu'elle rentre à l'intérieur de l'âme de Jibril sans qu'il l'entende. Alors que nous, en Sunna al-Jama, on dit non. On dit Jibril alayhi salam entend Allah parler. Il entend Allah parler avec une voix et des lettres, des mots et des lettres. Il entend comme vous maintenant, vous m'entendez. Eux, ils disent non. Ash'aira et Kullabiya disent non. La parole d'Allah Ta'ala, ce n'est pas des lettres et un son. Mais Jibril, Allah Ta'ala, fait de sorte que sa parole qui se trouve en son intérieur à lui, Allah Ta'ala, il la lui donne comme ça et la met à l'intérieur de Jibril. Ils disent, si Allah Ta'ala fait descendre sa parole en arménien, on va dire c'est l'évangile. Et s'il lui choisit comme langue, il lui choisit l'hébreu, on va dire c'est la Torah. Et si Allah Ta'ala va lui choisir l'arabe, on va dire c'est le Coran. Naam. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'Ash'aira, ils ont dit c'est une expression, c'est tout. Et pour le Kullabiya, ils ont dit c'est quoi? C'est une traduction. Alors que, on dit, non, Naam, la parole d'Allah est véridique. Véridique. Naam. C'est quoi? C'est une voix avec des lettres. Avec des lettres. Et ce qui prouve que la parole d'Allah Azzawajal se renouvelle et se dit quand Allah Ta'ala veut parler. Et que c'est des lettres et aussi c'est une voix et que ce n'est pas comme on dit l'Asha'ira et comme on dit les autres et comme on dit les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se trouve en intérieur d'Allah et qui a été dite une fois seulement. Quelle est la preuve? C'est comme a dit l'Amidi. L'Amidi, rahimahullah, c'est un de leurs savants à eux. Et puis il a dit vraiment ce qu'on dit, et ce qu'on dit nous, les sectes, l'Asha'ira et le Kullabi, etc. Il a dit, j'ai beaucoup de doutes. Il a dit, quand je. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. Il a dit quand je lis un verset pareil qui dit Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit l'Amidi? Il a dit subhanallah al-azim, tout le monde sait que Allah Ta'ala a fait descendre ce verset après quoi? Après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas avant. Vous êtes d'accord avec moi que Allah Ta'ala a dit ça après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa naissance, après qu'il soit devenu messager. Il a dit Allah a entendu la parole de celle qui discutait avec toi. Or eux, ils disent quoi? Ils disent que ça, cette parole a été dite lorsque Allah Ta'ala elle n'a pas été dite spécialement en cette circonstance, c'est à dire que cette parole existait toujours dans l'intérieur d'Allah, puisqu'ils disent que la parole d'Allah c'est pas quelque chose qui s'extériorise, quelque chose qui se trouve en son intérieur, qui se trouve toujours avec Allah Ta'ala depuis que Allah est, cette parole est, existe. Ils ont dit donc, si on dit comme ça, ça donne quoi? Ça donne que il y a donc quelque chose qui n'est pas vrai. Quelle est cette chose qui n'est pas vraie? Cette chose qui n'est pas vraie, c'est que Allah Ta'ala a dit, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi. Il a dit ça avant, c'est-à-dire avant que cette femme n'existe et avant que cette chose, et avant que cette chose n'ait eu lieu. On dit subhanallah al-azim, c'est impossible. Mais ce qui est convenable, c'est de dire que Allah Ta'ala a dit cette chose lorsque la femme a dit cette chose. Lorsque la femme est venue se plaindre, Allah Ta'ala a fait descendre le verset, a dit Allah a bien entendu celle qui discutait avec toi pour son époux. C'est-à-dire maintenant il a entendu ça. Et d'après les autres, c'est quoi? Il a dit ça bien avant de créer les cieux et la terre, etc. Donc c'est ce qui prouve que c'est faux. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Maintenant, on va passer à la vision d'Allah Azza wa Jal. La vision d'Allah Azza wa Jal qui est d'aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, pour prouver que Allah Ta'ala se verra, c'est-à-dire que les gens le verront, bien sûr, le jour du jugement dernier, Al-Mu'allif rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, a donné les dalils. Quels sont les dalils que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est bien sûr, c'est Al-Sunnah al-Jama'a qui disent que Allah Ta'ala, on le verra le jour du jugement dernier. Car vous allez voir que certaines sectes disent que Allah Ta'ala, personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir, ni ici, ni dans l'au-delà. Voilà. Les sectes égarées. Et vous allez voir aussi que il y a d'autres sectes égarées qui disent que même dans cette vie, on voit Allah. Vous voyez, c'est toujours des extrêmes. Elles sont toujours au milieu. Il y a toujours des extrêmes et le salafi est toujours au milieu. Les autres disent Allah Ta'ala, on ne le voit ni ici, ni dans l'au-delà. et les autres, les extrêmes disent Allah Ta'ala, on le voit ici et dans l'au-delà. Et Al-Sunnah sont au milieu, disent on ne le voit pas ici et on le voit dans l'au-delà. Contrairement à ceux qui disent on le voit ici et contrairement à ceux qui disent on ne le voit pas dans l'au-delà. Alhamdulillah, Al-Sunnah Jama'a, que Allah Subhanahu wa Ta'ala a guidé. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala a guidé. Demande à Allah Ta'ala qu'il nous guide pour qu'on ne soit pas des sectes égarées. Et quel est. Il a cité 5 ou 6 versets. Il a cité 5 ou 6 versets. Bi'idnillah Ta'ala. Regardez le premier verset. Lisez avec moi le premier verset. Bi'idnillah Subhanahu wa Ta'ala. Regardez ce qu'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala. J'aurais aimé que. Une seconde, j'aurais aimé qu'ils soient en rouge. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, pour que je fasse de sorte qu'il soit en rouge si je peux. Donc vous lisez le verset. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Al-Qiyama, verset numéro 22. D'abord resplendissant. Ensuite, il a dit qui regarderont leur Seigneur. Qui regarderont leur Seigneur. Donc le verset dans chez Ahl Sunnah, alhamdoulillah, est très clair, qui dit que ils verront bi'idna azawajal et ils regarderont leur quoi, leur Seigneur bi'idna azawajal. Non. Et regardez pourquoi Allah Ta'ala a dit il y aura des visages resplendis, il a dit qu'ils verront leur Seigneur. En arabe, le verset, non, quand Allah Ta'ala a dit Nadira. Il a rabbi à Nadira. C'est dommage, je ne l'ai pas écrit en arabe. Attendez une seconde, si je l'ai ici en arabe, je ne crois pas que je l'ai en arabe. Non, je ne crois pas que je l'ai en arabe. Non, je ne l'ai pas en arabe. Taïb. Je vais enlever une prime s'il est là pour. Qu'est-ce qu'il peut le donner en arabe. Taïb. Est-ce que mon prime est là. Non, il m'écrit, il est là, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est tout. Al-Muhim, Alish. En arabe, ça donne un petit problème. Lequel? Quand Allah Ta'ala a dit Nadira ila Rabbiha Nadira, Naam, Muslim, est-ce que tu es là? Naam, regardez, Nadira, Ba, et Nadira, Naam, il y a une différence entre Ba, et Ba, entre Ba et Ba, Naam, il y a une différence parce que dans le premier mot s'écrit sans ce qu'on appelle le bâton, bad, et l'autre s'écrit va avec le bâton. C'est pour ça que les innovateurs ont voulu dire que il y avait pas de différence. Alors tout le monde sait qu'il y a une grande différence. Bad, il y a une grande différence entre bad et va, très très grande différence. C'est pour ça que il y a un bâton sur le premier et sur le deuxième, le second, et il n'y a pas sur le premier. Car ce n'est pas du tout le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire resplendissant. Quand il a dit Navera, Navera, avec le bâton, ça veut dire qui regarde, Nam. Donc, Al-Sunnah-Jama'a, on dit que les gens verront Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens. Nam. Ensuite, il y a le deuxième verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit dans un deuxième verset, il a dit, je vais le citer ici, il a dit, Al al-ara'iki yandurun. Il a dit, Al al-ara'iki yandurun. Sur les divans mutaffifun, sorti mutaffifin, verset numéro 23. Sur les divans, il regarde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité ici qui il regarde. Il a dit que dans le paradis, ils seront sur des divans. Et ils regardent. Donc, ils regardent quoi? Ils regardent qui? Premièrement, ils vont regarder plusieurs choses. Et la meilleure des choses qu'ils vont regarder au paradis, c'est quoi? C'est regarder le Seigneur. Naam, regarder le Seigneur. Car, si Allah Ta'ala voulait dire que seulement ils regardaient, ils sont sur les divans, ils regardent. On va leur dire, à quoi ça sert que Allah Ta'ala nous dise qu'ils regardent? On sait qu'ils ne sont pas des aveugles. On sait qu'ils ne sont pas des aveugles. Au paradis, on ne peut pas rentrer au paradis en étant aveugle. Sinon, à quoi ça sert de rentrer au paradis? Donc, ici, ils regardent, il veut dire qu'ils regardent les belles choses et les meilleures choses et les plus belles choses. Et la plus belle chose qu'il y a dans le paradis, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est la plus belle chose, si je puis dire, chose qu'il y a dans le paradis. Allah Ta'ala a dit, Ta'rifu fi wujuhihim nadrat al-na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadrat al-na'im. Donc, la meilleure des choses qu'il verra au paradis, c'est quoi? C'est regarder Allah Azza wa Jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous prive pas de cette vision, qu'il nous prive pas de cette vision. Qu'est-ce qu'il voit aussi dans le paradis? Pardon, qu'est-ce qu'il voit aussi dans l'au-delà, je veux dire, qu'est-ce qu'il voit aussi dans l'au-delà? Il verra aussi la plus mauvaise des choses. Non, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est voir Allah. Ensuite, la deuxième des choses, c'est voir quoi? C'est voir les délices du paradis. Ensuite, la plus mauvaise des choses, c'est voir quoi? C'est voir les gens qui seront en enfer. C'est voir les choses qui seront en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Naam, a cité que, il va y avoir un dialogue au paradis, Naam, entre Al-Sunna. Ceux qui seront au paradis vont dialoguer entre eux. Quelqu'un va dire, قال قائل منهم إني كان لي قارين. Un de leurs va dire quoi? Il va dire, ça donne en français, l'un d'eux dira, j'avais un compagnon. Naam. Qui disait, يقول إنك لمن المصدقين. Ça veut dire, quand j'étais dans cette vie, j'avais un compagnon qui me disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Es-tu vraiment de ceux qui croient que lorsqu'on va mourir et on va devenir poussière et des os, car ils nous auront à rendre des comptes? Donc, celui-là est en train de raconter, hein, de parler d'un de ses amis, qu'est-ce qu'il lui disait quand ils étaient dans cette dunya. Subhanallah al-Azim. Donc même au paradis, on se rappelle ce qui se passait dans cette vie, et on va se rappeler, hein, quelqu'un va se rappeler d'une personne qui peut-être était ici, son ami, et qui lui disait, hein, il a dit, j'avais un ami qui disait, j'avais un compagnon qui disait, est-ce que quand nous mourons, ils seront poussière et ossements. Nous aurons à rendre des comptes, c'est-à-dire il y a un jour où on va ressusciter et on aura aussi à rendre des comptes. Alors la réponse, quelqu'un dira, Hel entum mutaliron, c'est-à-dire, est-ce que vous voudrez regarder d'en haut? On va regarder quoi? Non, peut-être c'est les anges qui vont dire comme ça. Ils vont dire, bon, cette personne qui vous disait, est-ce que tu crois que quand on mourra, on va ressusciter après être poussière, etc. Et on aura des comptes à rendre. Est-ce que vous voulez voir cette personne d'en haut? Donc, c'est-à-dire que cette personne maintenant se trouve vraiment en bas haut, en enfer. Ils lui disent, peut-être c'est les anges qui disent ça. Ils disent, tu veux jeter un coup d'œil d'en haut pour voir ton ami qui disait est-ce qu'on va ressusciter, etc. Tu veux jeter un coup d'œil d'en haut pour le voir? Et bien sûr, la personne est curieuse. Elle a été alors et elle a jeté un coup d'œil d'en haut pour voir cette personne qui se trouve maintenant vraiment, vraiment, vraiment en bas en enfer. Vraiment en bas en enfer. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, il a dit, il a jeté un coup d'œil et alors il le verra en plein dans la fournaise. Et il dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Par Allah, yani alhamdulillah, je jure par Allah que yani si je t'avais suivi, je serais avec toi, je t'ai aujourd'hui, où tu es toi dans la fournaise. Par Allah, t'avais suivi, je serais avec toi maintenant et tu aurais bien failli causer ma perte, alhamdulillah, que je t'ai pas suivi. On a beaucoup d'amis qui, si on les suit ici dans cette dunya, ils vont nous jeter dans la fournaise. Donc ce n'est pas n'importe qui dit n'importe quoi, on doit le suivre. Mais bien au contraire, on doit avoir une aqida inébranlable. Si quelqu'un vient nous dire, toi tu crois en ces choses, etc. Je lui dis oui, moi je crois en ces choses. Naam, moi je crois que il y a le dernier jour, il y a le jugement dernier, il y a le fait d'être ressuscité, il y a le paradis, il y a l'enfer, et je crois en ces choses. Si toi tu ne crois pas en ces choses, va raconter ton histoire à ceux qui ne croient pas. Va raconter ta aqida, ton dogme, à qui? À ceux qui n'y croient pas. Non. Mais, moi, je crois en ces choses. Va toi, inshallah ta'ala, va chez tes amis, et chez ta famille, et chez tes acolytes, va leur raconter ce que tu dis maintenant. Moi, j'ai une autre aqida. J'ai une autre aqida, l'aqida de Tawhid, qui dit que il y a ce jour et que l'âme, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a la rencontre d'Allah, il y a la vision d'Allah. Et je te dirai même autre chose, l'âme, je te dirai autre chose, si tu restes comme ça, tu ne veux pas changer, tu restes comme ça, alors je te rappellerai un jour et je t'appellerai d'en haut et je te dirai, est-ce que tu te souviens quand je te disais Taqillah Azzawajal, ne dis pas cette chose, hein, tu te souviens? Tu te souviens quand je te disais, tu riais, tu plaisantais? Tu disais, je ne crois pas qu'il y ait un autre jour, oh, la dunya c'est juste les plaisirs, etc. Tu te souviens? Eh bien, regarde maintenant, moi je suis au paradis et je viens de jeter un coup d'œil d'en haut et toi tu es au gouffre, au bas, dans le puits tout à fait en bas, dans le Jahannam, en train de brûler. Tu vois, si tu avais patienté un peu, tu serais maintenant où je suis moi. Et moi, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir affermi mon cœur et de m'avoir fait patienter pour que, alhamdoulilah, je ne suis pas avec toi dans le gouffre. Je ne suis pas avec toi en enfer. Donc c'est un dialogue qui va avoir lieu demain entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Il a dit ici, Cheikh Ibn Uthaymin Rahmah dit, Subhanallah, هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين. Il a dit, Subhanallah, celui-là, il est au plus haut qu'on puisse. Au plus haut qu'on puisse, tout à fait en haut. Il a dit, et l'autre est au plus bas qu'on puisse. Subhanallah al-Azim. Au plus bas qu'on puisse. Subhanallah al-Azim. Naam. Ensuite, لكن نظروا لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر الدنيا هناك ينظر إنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام ينظر أقصاه كما ينظر أدناه من كمال نعيم لأن الإنسان لو كان نظره كنظر في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى شيء كثير نعم إلى دي quand cette personne a vu نعم il a dit la vision quand on est au paradis ce n'est pas comme la vision ici نعم Il a dit parce que quand on est dans la, quand on est dans le paradis, quelqu'un peut voir, nam, une distance de 2000 ans, comme ça dit Ibn Uthaymeen Rahimahou. On peut voir une distance de 2000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire une distance de 2000 ans? Nous en 2000 ans, combien on peut traverser de distance? Si on commençait par exemple à rouler aujourd'hui avec une voiture, ou bien disons avec en montant sur l'avion et on va pas s'arrêter. 2000 ans à voler. Quelle distance on va traverser? En 2 heures, regardez, en 2 heures d'avion, on traverse, masha'Allah, des milliers de kilomètres. Combien qu'on va traverser en 2000 ans d'avion si on ne s'arrêtait pas? C'est combien? C'est des milliards de kilomètres. Ça, Ibn Uthaymeen dit, dans le paradis, tu peux voir avec tes yeux, hein, combien tu peux voir? Tu peux voir des milliers de kilomètres au loin. Maintenant, avec des yeux, combien tu peux voir? Avec tes yeux, tu peux voir 100 mètres, 200 mètres, naam. Sinon, tu ne vas plus pouvoir discerner. Tu peux pas, à un kilomètre, tu ne peux pas discerner la personne. Ni voir la couleur, ni voir quelque chose, une forme comme ça au loin, c'est tout. Mais au paradis, tu verras des milliards de kilomètres. Pourquoi? C'est tellement vaste que si tu ne pouvais voir que devant toi, donc, tu ne vas pas profiter des biens que Allah Ta'ala t'a donné. Car plus ta vue est lointaine, plus, masha'Allah, tu profites des délices. Car le fait de voir, c'est un délice. Naam, quand je vois une chose qui me plaît, je sens un délice dans mon cœur. Mais maintenant, si au paradis, je ne peux voir qu'à quelques mètres devant moi. Donc, les arbres de fruits, et les animaux que j'ai, et les oiseaux, et ceux-ci, et les mers, et les montagnes, qui sont à 10 000 km, je ne peux pas les voir. Donc, c'est un défaut. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala va te faire, yani, va te donner une puissance surnaturelle. Une puissance dans le manger de 100 personnes. Une puissance des rapports sexuels de 100 personnes. Une puissance dans la façon de voir des milliards de kilomètres. Et comme ça, naam. Sinon, on ne va pas profiter dans le paradis si on va rentrer comme ça. Naam, ça sera un défaut. Mais alhamdoulilah. C'est pour ça que, on pourra voir des gens qui sont en enfer. Naam, si tu as envie de voir des gens qui sont en enfer, ta famille qui est en enfer, les voisins, les ceci, cela, naam, Allah Ta'ala te donnera cette puissance de voir celui qui est en enfer très très loin de toi. Très très très très, très loin de toi. Allah Adim, naam, c'est une faveur que Allah Ta'ala donnera aux gens de paradis quand ils veulent voir ceux qui sont en enfer. Naam. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Naam, il a dit "Aqul inna sabiran umaruna fi mithli hadha. Kayfa yakunu fi a'la makan wa yukhatibu man yanzuru ilayhi wa kullu min falsafih." Il a dit autrefois les gens ont un cœur qui est malade, astaghfirullah. Ils disent comment? Subhanallah Adim, comment celui-là il est au rang, dans le rang le plus haut, il peut voir quelqu'un dans le rang le plus bas. Ils disent comment ça? Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah, arrête de philosopher. Arrête de philosopher. C'est des choses dont il faut croire, c'est tout. Tu crois, pas, c'est la foi, c'est tout. Ne me demande pas comment il est au plus haut, il peut voir comment il est au plus bas. Qui t'a dit qu'on aura la même forme? Qui t'a dit qu'on aura la même puissance? Qui t'a dit que les choses ressemblent à cette dunya? Tu crois que c'est la même chose qu'ici? Ici, tu ne peux voir qu'à 20 mètres. C'est pas la même chose. Tout va changer. C'est pas la même chose. Et ensuite, Cheikh Larmou dit, d'ailleurs maintenant, avec les satellites, avec la télé, avec les nouveaux appareils, avec l'électronique, avec je ne sais pas comment ça s'appelle. Déjà maintenant, si je disais moi, regardez, je vous donne un exemple. Si je disais moi, il y a 200 ans, 300 ans, non, je disais que, je vais dire à quelqu'un, que je peux voir quelqu'un qui, moi, je suis au Koweït, et lui, il est aux États-Unis. Des milliers de kilomètres, je peux le voir. Il va me dire, écoute, si tu connais quelqu'un, va vite à l'hôpital, car tu es malade. Non, si tu connais quelqu'un, va vite à l'hôpital, devenir malade avant que tu sois fou. Non, on va pas me croire. Alors que maintenant, c'est possible. Je suis assis, il y a quelqu'un en face de moi à la télé, moi je suis au Koweït, lui il est aux États-Unis. Là, il est fou. Alors imaginez si je dis ça il y a 1000 ans, 10 000 ans. Non. Alors ça, c'est dans la dunya, c'est possible. C'est possible. Toi ici, tu vois une personne à des milliers de kilomètres. Alors qu'en est-il dans l'au-delà? C'est sûr que c'est beaucoup plus plausible. Beaucoup plus plausible. Non. Non. Si quelqu'un va dire, regardez cette question qu'a posé Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahoullah. Si quelqu'un va dire, il va dire comment lui, il est au paradis et il va penser à ceux de l'enfer et il va essayer de les voir, il va même parler avec eux et leur dire le dialogue qui s'est passé maintenant. Ah, si ce n'était pas Allah Azza wa Jal, tu m'aurais fait ceci et cela, et alhamdoulilah, etc. Le dialogue. Il a dit, si quelqu'un va dire, comment se fait-il que des choses pareilles se passent dans le paradis et il a le temps de penser aux kuffars et de leur dire, si c'était par Allah Azza wa Jal, vous m'aurez fait tomber et sombrer, etc. La réponse, Cheikh Ibn Taymiyyah nous dit, Wallahi, ma akthara ma zaqa ahlul nari ahlul jannati fi dunya min adabul balaw muzayyar. Il a dit, pas. N'oubliez pas une chose, laquelle? N'oubliez pas les kuffars et les hypocrites et ceux qui ne croient pas au jour dernier, etc. Combien qu'ils ont fait de problèmes aux croyants. Combien qu'ils leur ont fait de problèmes. Combien qu'ils ont souffert avec eux. Non, combien qu'ils ont souffert avec eux. Ils rient de toi. Ils crachent sur toi. Ils t'insultent. Ils te disent que tu es un menteur. Ils te disent que tu es un arriéré. Ils te frappent. Ils te rentrent en prison. Ils t'expulsent. Ils te sortent de là. Non, ils te licencient. Il t'exclut du travail. Il a dit, n'oublie pas tout ça. N'oublie pas tout ça. Alors, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses, quoi? Les choses se sont quoi? Se sont renversées. Les choses se sont renversées. Car dans la dunya, non, il faisait des œillades, il plaisantait, il disait, nous sommes des égarés. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Or, Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran. Il a dit, les criminels riaient de ceux qui croyaient. Les criminels riaient des croyants. Et en passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Non, regarde celle-là avec son djilbab, regarde. Miskina celle-là, regarde l'arrière celle-là, regarde. Ils faisaient des œillades. Et, retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et, quand il les voyait, qu'est-ce qu'il disait? Ce sont vraiment ceux-là les égarés. Non, c'est pas nous les égarés, les profanes, non. Ce sont ceux-là les pratiquants qui sont des égarés. Alors, Allah Ta'ala a dit, aujourd'hui, c'est-à-dire dans le paradis, ce sont ceux qui ont cru qui vont rire. Non, maintenant, ça s'est renversé. Ce sont les croyants, Yom al-Qiyamah, aujourd'hui, ce sont ceux qui ont cru qui vont rire des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Non, c'est de la grande sagesse. C'est la grande sagesse que, hein, ça fait partie des délices, le fait de rire. Non, quand est-ce qu'on rit? On rit quand on est joyeux ou là quand on est énervé? on rit quand on est joyeux. Et moi, alhamdoulilah, je suis au paradis. Je vais rire des kofars, c'est mon tour. Nam, la ta'ala t'a dit choisi. Tu ris dans la dunya et tu ris sur les gens, bien sûr. Et ces gens-là, demain, vont être au paradis et vont rire de toi. Ou bien, laisse-les rire, eux, aujourd'hui, et toi, demain, tu vas rire d'eux. Choisis. Tu as une des deux choses. Tu ris sur eux, ici, dans la dunya. Et demain, eux, ils auront le paradis, ils riront de toi, ils seront en enfer. Ou bien, laisse-les rire, eux. C'est seulement 5 minutes ou 10 minutes. Laisse-les rire. Et demain, masha'Allah, tu vas dire à ta famille, viens, on va rire de ceux qui rient de nous. Regardez, Allah Ta'ala, c'est lui qui a dit dans le Coran, 34 mutafifin. Aujourd'hui, dans le paradis, donc ce sont ceux qui ont cru et croyant, masha'Allah, qui vont rire des infidèles. Sur des divans, ils regardent. Masha'Allah. Donc, ne t'étonne pas quand les gens rient de toi, quand les gens se moquent de toi, quand les gens crachent de toi, quand les gens font des oyades, quand les gens font des top 5. Tout cela, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, Masha'Allah, j'ai atteint ce rang de piété, Masha'Allah, au point où il rit de moi. Donc s'il rit de moi, ça veut dire que, alhamdoulilah, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Car comme eux, ils n'auraient pas ri de moi. Donc s'il rit de moi, c'est une attestation que Allah m'a donnée que je ne suis pas comme eux. Alhamdulillah. Donc tu dis dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ça ne fait rien. Riez, riez, riez. Riez, demain on verra, riez. Riez, naam. Riez et ayez le fou rire, ça ne fait rien. Moi, je supporte. Naam. Moi, je supporte. Naam. On est toujours avec... Non, c'est pas possible sur le plateau. J'ai essayé plusieurs fois. C'est une des connaître invisible. Une moi-même. Après, pour entrer... Je disais que les délits que Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir yom al-qiyama. Regardez ce verset par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada » à ceux qui agissent bien et réserver la meilleure récompense, c'est-à-dire le paradis, et même davantage, surat Yunus, et même davantage, surat Yunus. Tayyib, je cherche ici un hadith, si je le trouve devant moi, une seconde, inshallah ta'ala. Non, je me souviens pas qu'il est devant moi. Non. Tayyib. Attendez une seconde. Ibn Qayyim, je t'ai pas trouvé, sinon je t'avais enlevé le rouge, je t'ai pas trouvé. Non, je t'ai pas trouvé, hein. Je t'ai dit tout à l'heure que je cherchais dans la salle, je t'ai pas trouvé. Tayyib. Regardez. Regardez ici. Non, regardez ici. Ibn Qayyim, maintenant je te vois. Tayyib. Regardez ici. Allah Ta'ala dit, à ceux qui agissent en bien et réservez la meilleure récompense, le paradis. Et même davantage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir davantage? Plus du paradis. Naam. Qu'est-ce qu'il peut y avoir davantage? Il y a quelque chose qui est mieux que le paradis? Il n'y a qu'une seule paradis. C'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vision d'Allah. Naam. C'est la vision d'Allah. C'est pour ça que quand il a dit à ceux qui agissent en bien et réservé la meilleure récompense, c'est-à-dire le paradis. Et davantage. Davantage, plus. Naam. Donc ce plus, ce n'est pas le paradis. C'est comme si je dis à mon fils, si tu travailles bien, naam, si tu travailles bien, je te donne par exemple une banane et plus. Une banane et plus. Il faudrait que le plus ne soit pas la banane. C'est-à-dire j'ai dit plus. Au moins une deuxième banane. Ou bien banane et pomme. C'est ça plus. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Si je te donne seulement la banane, je ne peux pas dire que je te donne la banane et plus. La même chose ici. Hein, pour ceux qui ont bien œuvré, hein, qui agissent bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le paradis et quoi encore? Et plus. Et plus, c'est quoi? C'est regarder. Non, c'est pour ça que les savants ont dit n'y a pas mieux, il n'y a pas un délice plus grand dans le paradis que regarder Allah Ta'ala. Donc tout se passe dans le paradis. Il y a le paradis, il y a plus. Le plus c'est quoi? C'est regarder Allah. Où ça se passe? Dans le paradis aussi. Dans le paradis aussi. Naam. Maintenant, un autre verset. Un autre verset bin Azawjil. Allah Ta'ala a dit, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Regardez ce verset. Allah Ta'ala a dit, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Al-Qaf 35. Regardez ce verset. Et il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. C'est quoi davantage encore? Quoi davantage encore? Si ce n'est pas quoi? Si ce n'est pas la vision d'Allah. D'ailleurs, ça a été énoncé, ça a été cité dans un hadith sahih. Hein? Dans un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ce davantage c'était quoi? C'est le Jannah. Mazid. C'est le Mazid. Pardon. C'est la vision d'Allah Azza wa Jal. C'est la vision d'Allah Azza wa Jal. Car dans un hadith, le numéro 472, dans le Jannah de Sahih de Sheikh Al-Albani, et se trouve aussi chez Muslim, sa base est chez Muslim, Aslufi Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a lu le verset, l'illadi. الحسنى وزيادة للذي أحسن الحسنى وزيادة صديق الفرس كي أبان سويلة صديق إذا سمو ويلادي ويلادي à ceux qui agissent bien à ceux qui agissent bien il y aura c'est pas celui-là toi, c'est, à ceux qui agissent bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Ce verset a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit quoi? Il a dit lorsque Ahlul Jannah rentreront au paradis, et lorsque les gens du paradis rentreront au paradis, et lorsque les gens de l'enfer rentreront en enfer. Alors a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ahlul jannah nadu ya ahlul jannah. Alors on entendra quelqu'un qui appellera, il dira, oh vous, les gens du paradis, inna lakum indallahi ta'ala mu'idan yuridu an yunjizakumuh. Oh vous, les gens du paradis, vous avez chez Allah subhanahu wa ta'ala une promesse. Aujourd'hui, Allah ta'ala veut vous exaucer ce vœu. Aujourd'hui, Allah ta'ala ce vœu et cette promesse. Imaginez, inshallah ta'ala, si Allah Azza wa Jal veut, et nous serons au paradis. Imagine, tu es dans le paradis, avec les délices, mashallah, en train de voir, en train de manger, en train de rencontrer des gens. Quand tu entends quelqu'un dire, oh vous les gens du paradis, oh vous les gens du paradis, peut-être que tu auras peur. Subhanallah, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'on va nous faire sortir du paradis, qu'est-ce qu'il y a? Alors que c'est tout à fait le contraire. Allah Ta'ala a une promesse qu'il vous a donnée, et il veut vous l'exaucer. Et il veut vous l'exaucer. Alors que diront les gens? Ils diront, comment? Est-ce que Allah Ta'ala ne nous a pas blanchi nos visages? Car bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui auront le visage noir de fumée, etc. Ils vont dire, Allah Ta'ala ne nous a-t-il pas blanchi nos visages? Allah Ta'ala ne nous a-t-il pas entré au paradis, dans des paradis sous lequel coulent des ruisseaux? Alors l'autre, ils vont te dire que ça c'est autre chose. C'est autre chose qu'il y a ici. Il y a ce vœu, ce souhait, c'est autre chose. Naam, c'est autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera le voile qu'il y a entre lui et les gens qui sont au paradis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a un voile entre lui et les gens du paradis. C'est-à-dire que les gens du paradis après être entrés au paradis, ils n'ont pas encore vu Allah Azza wa Jal. Il y a un voile. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il est monté pour parler à Allah Ta'ala, il lui a parlé derrière un voile. C'est pour ça que quand il est descendu, on lui a dit, Hal ra'aita rabbak? Est-ce que tu as vu Allah? Tu as vu ton Seigneur? Il a dit, Nour, anna ara. Et dans un, il a dit, c'est une lumière, comment puis-je le voir? Et dans un autre hadith authentique, il a dit, Hijabuhu Nour. Il a dit, il a un voile qui est le Nour. Et s'il a enlevé ce voile, yani, tout serait brûlé. Donc, ce jour-là, Allah Ta'ala va exaucer le plus beau souhait, le plus grand souhait des croyants et de ceux qui seront au paradis. C'est quoi ce plus beau souhait, ce plus grand? C'est il ôtera le voile de lumière pour que les gens du paradis puissent le voir. Allahu Akbar. Ya Allah, la tuhrimna an-nazar ilayk, ladat an-nazar ilayk ya rabb al-alamin. Naam. Et bien sûr, comme j'ai dit, Allah Ta'ala va donner aux gens une puissance surnaturelle à ceux du paradis pour qu'ils puissent le voir. Sinon c'est impossible. Comme j'ai dit maintenant, comme a dit le prophète alayhi salatu wasalam, s'il enlevait seulement le voile, tout se brûlerait. Naam. Si maintenant Allah Ta'ala décidait d'enlever son voile, tout se brûlerait. Les montagnes, les mers, tout brûlerait. Subhanallah azza wa jalla, tellement c'est fort. C'est pour ça que personne ne pourra le voir jusqu'à la rentrée du paradis. Car dans le paradis, on aura quoi? Une autre forme. Naam, une autre force. Une autre forme. Naam, on ne sera pas comme ça. Sinon, on ne pourra pas le voir. Naam. Donc ça, c'est aussi le délil bi'idna azza wa jalla. Ensuite, Naam, qui a dit cela? Ensuite, le prophète, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité un hadith, il a dit, وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ صَحِيحِ. Il a dit, et il y a dans un hadith sahih, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il y a que un homme dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a des chevaux dans le paradis? Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y aura ou là, est-ce qu'il y a des chevaux dans le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parce que j'aime les chevaux, est-ce qu'il y a des chevaux au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, in yudkhilka Allahu al-jannata fala tasha'u an tarkaba farasan min yaqutatin hamra'a tatiru bika fi ayyi jannati shi'ta. Le prophète Sans lui a répondu, si Allah Ta'ala te fait entrer au paradis et que tu veux monter sur un cheval en émeraude ou en diamant rouge, hein, qui volera, et toi bien sûr tu es dessus, il a dit qu'il volera, alors Allah Ta'ala te donnera cette chose si tu as cette envie. Et ensuite il a dit, et un autre a dit, un compagnon, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a dans le paradis, est-ce qu'il y a le chameau? J'aime le chameau. Alors le prophète alayhi salatu wasalam lui a répondu, si Allah subhanahu wa ta'ala te fera rentrer au paradis, tu auras tout ce que tu voudras et tout ce que tes yeux voudront voir. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahou, se basant sur ce hadith. Ensuite il a dit, il a dit, toute chose que la personne désira sera et existera. Hatta in ba'd al-ulama iqal, écoutez ensuite ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahou, il a dit, jusqu'à ce que certains savants ont dit, law ishtaha al-walad la kana lahu walad, même s'il souhaite un enfant, il aura un enfant. Fa kullu shay'in ishtahunahu, c'est-à-dire existe, tout ce que la personne souhaite existera. Moi, je vais faire une petite, une petite note, si je puis dire, une petite remarque à ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin. En fait, ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, une petite parenthèse, ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin est un peu, bizarre, un peu bizarre. Pourquoi? Car quand il a cité le hadith de celui qui a demandé sur le cheval s'il y a au paradis et sur le chameau s'il y a au paradis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit c'est dans un hadith sahih, alors que ce hadith est faible. Ce hadith que Cheikh Ibn Uthaymin a cité sur le cheval du paradis et sur le chameau du paradis, le cheval qui vole, etc., c'est un hadith faible. Naam, hadith faible. Cheikh Al-Albani a dit hadith faible. Naam, raconté par Imam Ahmed et Tirmidhi, hadith faible. Et lorsque Cheikh Ibn Uthaymin a dit que certains savants ont dit si quelqu'un voulait un enfant, il l'aurait, alors là, c'est le contraire. Lui, il a dit certains savants ont dit, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith sahih. Donc, subhanallah al-azim, ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, c'est sahih, c'est faible. Et ce que lui il dit, c'est seulement les ulama ont dit, c'est pas le prophète, alors que c'est le prophète qui l'a dit. C'est que nous, dans Al-Sunnah al-Jama'a, toute personne, on prend d'elle des choses. Fût-elle le érudit savant du monde. Car, comme on dit nous, Al-Sunnah al-Jama'a, qu'est-ce qu'on dit? On dit que seul le Coran ne contient pas de faute. Tous les livres de tous les ulamas contiennent des fautes. Tous les livres. Apportez-moi n'importe quel livre de n'importe quel grand ulama, tu dois trouver au moins une faute à l'intérieur. Pourquoi? Allah Ta'ala fit ceci pour te prouver que seul son livre à lui ne contient pas de faute. Subhanallah al-Azim. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin al-Rahmou ici, c'est basé sur un hadith ba'if. Et le hadith qui est sahih, authentique, il ne l'a pas cité. Et peut-être qu'il ne le connaît pas, peut-être, ou bien il est ba'if pour lui. Alors que c'est un hadith sahih qui dit quoi? Qui dit que si quelqu'un souhaite dans le paradis l'enfant, il l'aura en une heure, en 100 heures. Il fait la chose avec la femme tombe enceinte, et pendant ce moment même, pas plus d'une heure, elle accouche. Et elle accouche, bien sûr, sans contraction, sans son, sans mot, sans logis, sans césarienne. Elle accouche comme ça, et il sort, masha'Allah, peut-être même en train de rire le bébé au lieu de pleurer. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tayyib. Maintenant, ils vont citer d'autres versets pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala se voit. Pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala se voit. Il a cité ici le verset. Attendez, je vais citer ce verset. Je m'arrête, inshallah ta'ala. Car après, il y aura quoi? Après, je laisse pour le prochain vers. On va citer quels sont les délits de ceux qui disent Allah Ta'ala ne se voit pas. Car, pour que tu sois un talibou ilm, il ne faut pas te suffire, yani à tes délits à toi. Mais encore faut-il que tu connaisses les délits de qui? De tes adversaires. Il faut que tu connaisses les délits de tes adversaires et car quand ils se donnent leur délit, tu les réfutes, tu dis non, ce que vous avez dit n'est pas vrai, ton délit ceci cela, voilà comment qu'on le réfute. Car si tu ne connais pas le délit et les délits de tes adversaires, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te dire, puisque toi tu as dit des délits, nous aussi on a des délits, alors écoute nos délits et commence à te dire leur délit. Et toi, tu ne sais pas comment réfuter leur délit. Ils vont te dire, tu vois, alors toi tu prends avec tes délits, et nous on prend avec des délits. Chacun prend avec ses délits, et tu n'auras pas de réponse. Mais si tu connais leurs délits, tu leur dis, allez, donnez-moi vos délits. Moi j'ai donné mes délits là, donnez maintenant vos preuves, si vous êtes véridique. Et chaque preuve, il la donne, tu lui dis, voilà comment je réponds à cette preuve. Voilà comment je réponds à cette preuve, et voilà comment je réponds à cette preuve, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler. Naam. Maintenant, je vais donner le dernier délit, inshallah ta'ala, de Ahl Sunnah. Et dans le prochain dars, inshallah ta'ala, comment réfuter leur délit. C'est le verset qui dit, « Kalla, إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. C'est-à-dire le dalil 15, sourate al-Mutaffifin. Il a dit Allah Azza wa Jal dans ce verset, regardez, je vais le coller ici, il a dit qu'ils prennent garde, qu'Allah, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Allah Ta'ala est en train de parler de qui? Il est en train de parler des koufars. Il est en train de parler de qui? Des koufars. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va comprendre par compréhension opposée? On va dire, s'il a parlé des koufars, il a dit, ce jour-là, il y a un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur, donc, par sens opposé, les gens du paradis n'auront pas un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Donc, les gens du paradis verront leur Seigneur. Alhamdoulilah. Vous avez compris? Donc, je répète, si Allah Ta'ala, en parlant des koufars, a dit que, comme punition, ils auront un voile qui leur permettra, ou là, qui sera une entrave pour qu'ils ne me voient pas. Donc nous, on va comprendre que les gens du paradis auront, masha'Allah, n'auront pas le voile. Et donc, ils pourront voir Allah Azza wa Jalla. Contrairement aux gens qu'il a punis, aux gens qu'il a châtiés. Si moi j'ai deux enfants, j'ai Ali et Omar. Ali a bien fait la salat, a bien appris le Coran. Il a fait ce que je lui dis. Hein? Je lui dis, alors toi, tu auras le cadeau, par exemple, le cadeau de voir, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, dans une vidéo et d'écouter son dars, par exemple. Non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre ne va pas voir cette chose. Sinon, ils ont eu la même récompense. Donc, ça soit, à quoi ça sert que je dise à Ali, apprends le Coran et je te donne telle et telle chose. Je t'achète un vélo. Si je vais acheter aussi le vélo à celui qui n'a pas appris. Donc, par sens opposé, non? Celui qui a été châtié n'aura pas le vélo. Et si je dis à Omar, tu n'auras pas le vélo, voilà, toi, tu n'as pas appris le Coran, je ne t'achèterai pas le vélo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ali comprendra que je vais lui acheter lui le vélo. Parce que lui, ce n'est pas Omar. Et Omar a été châtié, il n'aura pas de vélo. Toi, Ali, donc je vais t'acheter le vélo. La même chose ici. Les koffars auront un voile, ils ne verront pas Allah. Donc, je comprends que les croyants n'auront pas de voile et verront Allah Azza wa Jalla. Et, laissez-moi vous dire pour terminer que, il n'y a pas plus grand, et plus grande punition et châtiment que de ne pas voir Allah. Comme ça ont dit les savants. Ils ont dit, si on supposait que les gens du paradis, Allah Ta'ala va les faire rentrer au paradis, mais il va leur dire, attention, vous allez rentrer, mais à condition que vous ne me voyez pas et que vous ne me verrez pas. Alors les savants ont dit, c'est ça le plus grand châtiment. Et ils ne sentiront jamais qu'ils sont dans le paradis. Non. Car il n'y a pas plus grand châtiment que de ne pas voir Allah Azza wa Jalla. Alors les kofars, qu'est-ce qu'ils auront? Deux grands châtiments. Le premier, de rentrer en enfer éternellement. Le second, d'être privé de la vision d'Allah. Et les croyants auront les deux plus grandes récompenses. La première, c'est de rentrer au paradis. Mais attention, ça ne suffit pas. Car Allah Ta'ala dit, ils auront le paradis plus. C'est quoi le plus? C'est voir Allah Azza wa Jal dans le paradis. C'est le plus important. C'est mieux que le paradis. D'ailleurs, si Allah Ta'ala venait à te faire choisir entre son paradis et sa vision, choisis sa vision. C'est le plus grand délice. C'est indicible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter tellement c'est beau. C'est beau, yani, regarder Allah Azza wa Jalla. C'est plus beau que regarder le paradis et que de profiter des délices du paradis. Naam. D'ailleurs, imaginez, j'essaye de donner seulement yani, quelque chose comme ça de ma tête pour seulement rapprocher un peu. Essayer de rapprocher un peu. Naam. Inexprimable. Naam. Je vais essayer de rapprocher un peu yani, l'idée. Naam. Si par exemple, je ne sais pas, par exemple, toi tu es, disons, tu travailles dans une société, par exemple. Je donne un exemple, c'est tout. Non, un exemple, c'est tout. Et, subhanallah, le patron de cette société, subhanallah l'adim, yani, tu l'as jamais vu. Non. Et, mashallah, à chaque fois, yani, il te rajoute dans la paye. À chaque fois, il te fait des cadeaux. Non. Un jour, tu vas travailler, d'autres, il te dit, voilà, le patron t'a offert une voiture. Mashallah. L'autre mois, il va dire, le patron, yani, c'est le secrétaire là qui va dire, le patron t'a donné une maison, en ton nom. Subhanallah. Pendant l'Aïd, le patron t'a donné un mouton. Le patron, ceci, cela. Imagine, tu ne seras pas curieux de le voir. Très, très curieux. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas surtout ce qu'il donne. C'est qui celui-là qui me donne toutes ces choses. Très curieux de le voir. Qui c'est celui-là, mashallah. Imagine, celui-là, il t'a donné seulement une petite voiture, une petite maison, un petit mouton. Qu'en est-il du tout donateur, Allah Azza wa Jal, qui t'a tout donné. T'as créé, tu n'étais rien. Tu n'existais pas du tout. T'as créé. Te donne l'air pour respirer. Te donne des parents, te donne des enfants, te donne l'argent. Te donne, ça c'est rien. Et il va tout te donner là-bas. Ensuite, tu ne le vois pas. Tu ne vas pas le voir. C'est vraiment, yani, grave. C'est vraiment, vraiment, yani, quelque chose d'insupportable. C'est pour ça que le contraire qui est sa vision, c'est la plus belle chose du monde. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous, qu'on soit de ceux qui ne soient pas privés de sa vision le jour de sa rencontre. Amin. Allahumma la tuhrimna ru'yatak yawma liqa'ik. Allahumma la tuhrimna ru'yatak yawma liqa'ik. Allahumma la tuhrimna ru'yatak yawma liqa'ik. Ibn al-Qayyim. Mais inshallah ta'ala le Coran, bi'idhnillah ta'ala, j'ai terminé le dars. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a toujours, bien sûr, le dars n'est pas fini en ce qui concerne la vision d'Allah. Le prochain dars, on va inshallah ta'ala se rencontrer dans à peu près un quart d'heure ou 20 minutes. Donnez-moi au moins un quart d'heure ou 20 minutes, car je n'ai pas encore mangé. Je vais manger, inshallah ta'ala. Je n'ai mangé ni à midi, ni, inshallah, dans un quart d'heure ou 20 minutes. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.